Or not to be, not to be. Ah là là, j'adore ce film, La Section Hero. Allez, encore un bel été grâce à vous, merci. Ciao. Bonsoir France Inter. Bon ben, je vous remercie pour votre émission sur FF7. Ça m'a rappelé la claque que j'ai pris quand j'étais ado en découvrant cet opus RPG sur PlayStation, et depuis je l'ai plus lâché. J'ai fait le 7, le 8, le 9, le 10 jusqu'au 15. C'est génial, c'est FF7. Ça m'a fait découvrir un monde nouveau. Merci Frédéric et merci à tous. Au revoir. Final Fantasy VII, que souvenir! J'avais séché le cours de Madame Lefebvre pour aller acheter le jour de la sortie. C'est mal, mal, mal. Alors mes enfants, si vous m'entendez, eh ben c'est pas moi. Merci. Hier soir, avec Final Fantasy, mais en fait, j'ai limite eu envie d'adopter un chocobo. Voilà, ça m'aurait fait vachement plaisir d'avoir un truc comme ça pour me déplacer. C'est vraiment plus naturel qu'une voiture et en plus, c'est super mignon et super sympa. Et ben voilà, j'ai à nouveau mangé des pâtes. Sauce béchamel avec un peu de pesto vert. Merci à la fille de Fred. Allez, ciao, bonne émission. Il était temps, hein. Ça faisait longtemps que je l'attendais, moi, l'émission sur l'attaque des Titans. Bon, ben voilà, je faisais juste un petit coucou, juste pour dire que je suis très content que ce soit enfin sur ce sujet. Allez, salut! Et comme on dit chez les Eldiens, la saga est dure. Qu'on prenne qui pourra. To be or not to be, not to be. N'oubliez pas de partager ce podcast. Logiquement, si j'étais ceinture noire de faire savoir, c'est exactement ce que je devrais dire à la fin de chaque émission. C'est un vrai métier de devenir influenceur. Partagez ce podcast, partagez cette vidéo, mettez un pouce bleu, cliquez sur le bouton j'aime, validez mon existence et mon travail par un tout petit peu d'attention qui fera qu'après 28 000 vues, j'aurai peut-être via la pub l'occasion de me payer un repas décent, s'il vous plaît, partagez. On n'a jamais été aussi incité à partager. Pourtant, quand un vidéaste te dit de partager ses vidéos, c'est pas exactement le même partage que quand un révolutionnaire te dit qu'il faut partager les richesses. Quand j'étais petit, ma mère me disait toujours qu'il faut apprendre à partager. C'est pas inné, il y a un travail à faire. Quand tu partages un gâteau, par exemple, tu acceptes l'idée de ne pas le garder pour toi et d'en faire profiter quelqu'un d'autre à part égale. Il y a une idée de sacrifice pour aller vers plus d'équité. C'est vertueux le partage. Quand tu partages une vidéo, tes avis ou tes goûts, tu ne sacrifies rien, tu en fais la promotion. Mais niveau marketing, avouez que c'est quand même du génie. Partager ce podcast, ça passe tout de même beaucoup mieux que « Faites ma pub gratuitement ». France Inter, Blockbuster, juste ici ça va. Frédéric Siglis. Je suis venu à Tokyo à l'âge de 20 ans parce que je voulais devenir un artiste de manga. L'idée de l'attaque des titans m'est venue d'un jeu vidéo où l'univers entier était attaqué par des extraterrestres. Et j'ai pensé que si ces monstres mangeaient des humains, ce serait super intéressant. La cruauté des titans mangeurs d'hommes. Si vous êtes lecteur de manga ou spectateur d'anime, il y a de très fortes chances que l'acronyme SNK vous dise quelque chose. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans français, est devenue en très peu de temps un véritable phénomène de société. Rien qu'en France, 3,5 millions de volumes ont été vendus. Un chiffre énorme pour une série pourtant très éloignée thématiquement des leaders du box-office manga que sont One Piece, Naruto ou encore Bleach. Pour comprendre les raisons à l'origine de ce succès, j'ai avec moi Ariane Dumont, bonjour. Salut, salut. Vous êtes chroniqueuse pour Hyperlink et animatrice du blog La Niche Pop. On peut y lire votre analyse des mythes aux origines de l'attaque des titans. Absolument. Avec nous, Victor, bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune fan de SNK et animateur du compte Twitter @attaquetitan.fr. Exactement. Avec nous, il est de retour, Mathieu Pinon, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste spécialisé en culture populaire japonaise. Exactement. Et évidemment, celui qui vit ici, sous la table, toujours là, mais très très propre et très gentil, Olivier Bénis, bonjour. Bonjour Frédéric. Je fais très attention où je fais mes besoins, où je mange, tout ça, enfin voilà. C'est très très rassuré, je nettoie le studio à chaque fois. On vous en suit reconnaissant, on en est reconnaissant. Vous êtes journaliste à France Inter et on vous écoute pour votre excellente chronique, La Faute aux Jeux Vidéo. Exactement. Ensemble, on va retracer la genèse de l'attaque des titans, son histoire, ses thématiques, son adaptation en animé qui a été déterminante dans sa popularité. En quoi ce manga peut à juste titre être comparé à Game of Thrones, Quel est le sous-texte politique et même historique de l'œuvre de celui que l'on nomme Hajime Isayama? Bref, pendant une heure, notre mission, c'est de vous donner envie de découvrir un manga scénaristiquement formidable qui compte parmi ce qui se fait de mieux en ce moment, tout support confondu. Il n'a fallu que quelques heures pour que la nouvelle se répande dans toutes les villes habitées. Shiganshina, l'enclave au sud du mur Maria, était tombée aux mains des titans. Est-ce que c'est vrai? Les titans ont envahi le district de Shiganshina? Je n'arrive pas à le croire. La mur a tenu pendant 100 ans. Pourquoi a-t-il cédé maintenant? Que tu le crois ou non, les faits sont là. La population a fui en bateau vers les villes voisines. Le problème, c'est de savoir si ça ne concerne que Shiganshina ou pas. Attendez! Vous ne pensez quand même pas que les titans ont pu pénétrer à l'intérieur du mur Maria? Nous n'en savons rien. Alors pour l'instant, le mieux, c'est de contacter le centre. Ils nous donneront des consignes. Nous ne pouvons pas gérer seuls un tel état d'urgence. Oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais un messager vient d'arriver. Le mur Maria a été brisé et les titans ont pénétré à l'intérieur de notre territoire. Rien du tout. Vous avez la lourde tâche d'essayer de résumer l'attaque des titans sans spoiler. Sans spoiler, promis. Et ben, l'attaque des titans, c'est une dystopie déjà, on va commencer par ça. Un monde où l'humanité a été quasiment éradiquée par des créatures qui s'appellent donc les titans, qui sont des gigantesques créatures humanoïdes et qui sont en gros guidées par la violence, qui dévorent les êtres humains par pur plaisir. Avec un énorme sourire sur le visage. Avec un énorme sourire très cruel sur le visage, effectivement. Et l'humanité, pour essayer de leur survivre, s'est retranchée derrière un système de murs où vit le personnage principal de l'attaque des titans qui s'appelle Eren Yeager. Alors c'est un enfant un peu rêveur, un peu idéaliste qui grandit avec ses copains Mikasa et Armin et qui aimerait bien découvrir le monde extérieur derrière les murs. Il aimerait voir, bien la, voir mer. La mer, voilà, absolument. Et puis un jour, tout bascule quand le mur va être brisé par des titans un peu spéciaux. Ils sont plus grands que les autres, ils ont des capacités un peu particulières aussi. Et Eren assiste à tout ça, il est horrifié, il décide qu'il se vengera, il exterminera tous les titans et il s'engagera dans l'armée. Et Victor, vous êtes lecteur de manga tout confondu, oui. Ou vous avez commencé avec l'attaque des titans? Oui, j'ai commencé avec l'attaque des titans à l'époque en recherchant sur YouTube parce que je connaissais le générique. J'ai essayé de m'intéresser à l'œuvre, à son histoire, et j'ai été captivé dès le premier épisode, et j'ai tout de suite tout enchaîné après, j'ai tout fait pour trouver la suite, et j'ai été conquis par le scénario. Et qu'est-ce qui vous plaît exactement dans l'attaque des titans? C'est le fait qu'à chaque révélation importante sur l'œuvre, le regard dessus change, c'est-à-dire qu'une fois qu'on re-regardera après, on n'aura pas l'impression de revoir la même chose, on se dira « Ah, il y avait un indice quelque part ici, il y avait un indice autre part », on aurait pu plus ou moins deviner ce qui allait se passer, mais au moment où ça arrive, on ne s'y attend pas. Oui, puis il y a donc ce changement de point de vue permanent dont vous parlez en fonction des événements que l'on découvre. Ce qu'on pensait comme un acquis évolue totalement. C'est aussi ça qui est assez fort dans cette œuvre, c'est qu'au fur et à mesure des volumes, on est complètement ébranlé sur ce qu'on pensait être le bien, le mal, etc. Ça interroge aussi beaucoup ces notions-là. Oui, et à chaque fois qu'on pense avoir une réponse, il y a plusieurs questions qui arrivent derrière. On ne sait pas quand est-ce qu'on en arrivera à bout. Aujourd'hui, le manga est fini, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Et tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est théoriser ou attendre des réponses de l'auteur. Mathieu Pinon. Oui. Qui est Hajime Isayama? Parce que c'est un tout jeune mangaka. Alors, Hajime Isayama est né en 1986, donc oui, il est quand même relativement jeune. Il vient de la préfecture de Oita, qui est sur l'île de Kyushu, donc l'île au sud du Japon. Si vous prenez l'île de Kyushu à l'extrême ouest, vous avez Nagasaki, lui il était à l'extrême est. Il a grandi avec un père qui cultive des prunes, et qui espérait que son fils plus tard reprenne le métier et cultive à son tour des prunes. Raté. Et lui a fait, non, moi j'aimerais faire du manga. C'était un petit gringalet par rapport à la majorité de ses camarades de classe. Et donc, en fait, il se réfugiait dans les bibliothèques et il lisait des séries extrêmement joyeuses, tout à fait de son âge, comme Berserk, par exemple. Donc, des trucs très, très, très dark, déjà. Et décidément. Et il est monté à Tokyo justement pour devenir mangaka. En fait, c'est très intéressant parce que dans l'extrait qu'on a eu en début d'émission, il explique que c'est un jeu vidéo qui lui a donné l'idée de l'Attaque des Titans. Dans d'autres interviews, il explique que c'est un jour où il avait un petit boulot de serveur. Un client il a vu quelqu'un de ivre. Complètement éméché l'a saisi par le collet. Et là, il s'est rendu compte dans son regard, la cruauté, la folie que pouvait avoir un être humain. Et il s'est dit jusqu'à quel degré un être humain pouvait être dangereux. Et ça a également été un facteur déclenchant de sa série. Et il l'a envoyé au Japon, les principales maisons d'édition font souvent des concours pour les jeunes talents. Donc il a commencé à démarcher Shueisha. Shueisha a trouvé le principe de l'Attaque des Titans très intéressant, mais a fait, oui, mais on aimerait le retoquer ici ou là, faire quelques petites retouches pour que ça corresponde plus à notre politique éditoriale, ce qu'il a absolument refusé. Et donc il s'est ensuite tourné vers le concurrent principal qui est Kodansha. Et Kodansha l'a accueilli à bras grands ouverts. Et donc de là, il est monté à Tokyo pour se former et devenir mangaka. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2009 qu'a débuté l'Attaque des Titans et la fresque a duré pendant 12 ans. 12 ans d'un succès qui ne s'est jamais démenti. L'anecdote sur la personne ivre explique aussi le design particulier des titans qui donne effectivement l'impression, alors ils sont complètement nus, on ne voit pas leur appareil génitaux, hein, mais ils sont complètement nus et ils ont effectivement l'air de se comporter comme des gens complètement hébétés, bourrés. Et c'est ce qui donne aussi cet aspect absurde. On sent l'aspiration de la peinture de Goya, c'est ça, hein, sur Saturne dévorant ses enfants. Mais voilà, avec des titans qui ressemblent à des japonais bourrés, en fait, et qui courent tout nus. C'est un peu ça, pour résumer. Olivier Bénis, comment avez-vous découvert l'Attaque des Titans et qu'est-ce qui singularise cette œuvre par rapport au tout venant de la production manga? Alors moi j'ai découvert un peu comme beaucoup de gens, je pense, quand l'animé est arrivé, que les premières images déjà commençaient à arriver, ça m'avait un peu attiré l'œil. Je m'étais dit tiens, ça a l'air quand même très particulier comme série. Il y avait notamment justement ce design des titans, qui est un coup de génie, hein, d'Hajime Isayama, c'est-à-dire que vraiment il a récupéré des bouts en fait de monstres déjà existants, l'ogre classique du conte de fées et tout, mais il a vraiment pris ça à sa sauce et il a créé quelque chose de nouveau. Il a créé un monstre qui n'existait pas vraiment avant, qui peut faire penser un petit peu aux anges d'Evangelion par moment, sur leur côté vraiment très sauvage et très brutal. D'ailleurs, il y a cet aspect pilote de mecha. Il y a cet aspect. Ouais, sans trop spoiler, mais il y a quand même une filiation. Oui, et globalement, alors enfin, comme dans Evangelion, mais comme dans plein d'autres choses, c'est un manga et un animé qui questionnent énormément la question de l'humanité et du monstre et le rapport entre les deux et évidemment les passerelles qu'il y a entre les deux. Comment l'être humain peut devenir un monstre et comment le monstre en fait peut avoir une part d'humanité qui est cachée. C'est très très bien fait dans l'Attaque des Titans, notamment à cause de la durée de la série et du manga qui fait qu'il a vraiment pu développer, comme disait Victor, il a vraiment fait des rebondissements à gogo, il s'est lâché et tout. C'est impressionnant parce que je sais pas s'il vraiment il avait tout le déroulé en tête, s'il savait précisément où il allait dès le début, mais c'est un univers qui est d'une cohérence incroyable, enfin vraiment, c'est-à-dire que plus vous progressez dans l'intrigue, plus il y a des choses qui vont totalement basculer, totalement changer votre regard sur l'histoire, totalement retransformer le scénario dans votre tête, ça va transformer aussi la manière dont vous percevez les personnages. Il y a des personnages que vous allez par moments adorer et par moments totalement détester, mais vraiment foncièrement, et c'est vraiment très bien fait pour ça, et donc le fait qu'il ait pu le développer sur le long terme, ça fait qu'il a pu développer ses thématiques vraiment de manière brillante en fait. Victor, je sais que quand on se promène sur les différents sites de fans qui parlent de l'Attaque des Titans, il y a souvent ce débat qui revient et qui compare Isayama à Eiichiro Oda en termes de d'auteurs qui placent ses pions longtemps en amont, etc. Et quel est votre point de vue sur ça? Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui sont venues chemin faisant ou est-ce qu'il avait véritablement un plan très défini? Alors, ce principe de foreshadowing, qui du coup est de dissimuler un élément de l'histoire au début sans trop le montrer, puis le révéler très important plus tard, est présent chez les deux auteurs. Je suis actuellement en train de regarder et lire One Piece, donc je ne suis pas encore assez avancé pour parler totalement de la capacité d'Eiichiro Oda, mais les deux ont de grandes capacités. Isayama, ça se joue plus sur « je laisse des indices par-ci par-là, vous pouvez deviner un certain dénouement de l'histoire ». Chez Eiichiro Oda, c'est plus j'ai prévu depuis un certain nombre de temps qu'il allait se passer cet événement, et ça montre que les deux maîtrisent leur œuvre sur la longueur, l'autre l'un depuis 30 ans et l'autre une dizaine d'années. Si je peux me permettre, je pense que Isayama avait placé ses pions vraiment dès le début, puisque, alors là je ne spoil absolument rien, c'est la première phrase de la première page, de la première case de la première page, ça commence par « À toi qui vis 2000 ans plus tard », et il faudra attendre un bon paquet de tomes avant pour de comprendre le pourquoi de cette phrase. D'accord. Mais ça c'est même pas du foreshadowing, puisque vraiment il a prévu ça des années avant la révélation qui justifiera le pourquoi de cette phrase. Mais il l'a dit en interview hein, que globalement il avait depuis le tout début, et à la demande de l'éditeur, d'ailleurs, prévu en tout cas les grandes lignes du manga jusqu'à la fin. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où bon, peut-être il a peut-être un peu eu des nouvelles idées. Enfin, un manga, ça évolue toujours. C'est un process de création, bien sûr. Il a travaillé dessus pendant 12 ans. Mais il a déclaré qu'effectivement, on lui avait demandé d'avoir une idée de la fin et de la direction dans laquelle il allait dès la création, dès les premiers chapitres du manga. Alors, si vous avez un jour regardé l'animé de l'Attaque des Titans, on sait que le générique de la série ne vous a pas laissé indifférent. De toute façon, c'est humainement impossible. Ouais, ça vous prend au trip. On écoute tout de suite Shinzo wo Sasageyo. Un des génériques de l'Attaque des Titans par Linked Horizon dans Blockbuster sur France Inter. Bienvenue dans la 104e brigade. La cérémonie d'admission va débuter. Malheureusement pour vous, c'est moi qui dirigerai votre entraînement. Je suis le sergent instructeur Keith Shadis. Ne vous attendez pas à le beau discours d'encouragement de ma part. Vous ne valez rien, vous n'êtes dans le meilleur des cas que de la pâtée pour Titan. Pendant 3 ans, nous allons vous entraîner pour essayer de faire de vous de vrais soldats. Bande de misérables là. Nous allons vous enseigner les techniques utilisées pour combattre les Titans. Le jour où vous vous dresserez enfin face à eux, leur servirez-vous de dessert ? Ou bien serez-vous le fer de lance de l'humanité et détruirez-vous les Titans pour de bon ? C'est à vous d'en décider. Moi, j'ai déjà fait mon choix. J'exterminerai tous les Titans jusqu'au dernier. On vient d'entendre la joie de vivre de Eren Yeager. Ariane Dumont, on parle depuis le début des Titans, du fait que l'humanité est donc confinée comme ça derrière ses murs. Mais l'Attaque des Titans, c'est tellement plus que ça finalement. Ah oui, absolument, c'est plein de thèmes et de... Enfin, Olivier a commencé à en parler tout à l'heure, il y a plein de thématiques qui sont développées sur le militarisme, le fascisme, la politique. La manipulation de masse. La manipulation de masse, absolument. L'endoctrinement des enfants. Eren et ses compagnons, la Mikasa et Armin, pour ne parler que d'eux, parce qu'il y en a plein d'autres, mais ils s'engagent donc dans l'armée à l'âge de 15 ans. Et en fait, ils grandissent avec une version de l'histoire d'un État qui est militaire, hein, qui utilise les Titans comme justification pour cet État militariste, et ils ont cette espèce de patriotisme du feu de Dieu, mais qui est terrible. Le point sur le cœur, le Sasageyo, etc. Ils sont prêts à sacrifier pour la patrie. Alors évidemment, confrontés à la réalité de la guerre et de la violence violence et des titans. Bon, ils se rendent compte que finalement, c'est pas joli joli, ce qui permet à Isayama d'avoir un point de vue en fait très critique sur tout ce qu'il oui, parce écrit. Que même s'il y a des discours militaires très très lyriques, comme ça, des envolées genre on est des bonhommes et tout ça, il montre aussi la réalité très concrète de la guerre, qui fait que quand on est face à l'ennemi et quand on a vu tous ses amis périr à côté de soi, on se met à pleurer en disant, en suppliant, je veux retrouver ma mère, je veux retrouver ma mère. Il y a quelque chose de l'ordre de la violence qu'on peut voir dans la scène d'ouverture de Il faut sauver le soldat Ryan. Ça, c'est quelque chose qui est disséminé tout au long de l'attaque des Titans. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, c'est marrant de citer Il faut sauver le soldat Ryan, parce que c'est une des influences d'Isayama qui a pioché un peu partout dans la pop culture pour créer ses designs, son histoire, ses personnages, etc. Donc ça en fait partie. Et effectivement, il y a ce côté qui est très... pitoyable en fait des personnages une fois qu'ils sont confrontés à la réalité de la guerre, où effectivement ils se mettent à pleurer, ils veulent prendre leurs jambes à leur cou, ils peuvent éventuellement mourir de façon assez atroce et parfois même un peu ridicule et un peu bête quoi. Oui, et alors il y a ce je dirais ce mix entre un scénario extrêmement élaboré et mine de rien avec l'animé, des séquences d'animation qui à mon avis ont aussi été à l'origine du succès de cette série, avec le déplacement tridimensionnel. Olivier Bénis, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le déplacement tridimensionnel dans l'attaque des Titans ? Alors c'est un terme très compliqué pour dire que les gens utilisent des câbles pour plus ou moins voler, puisque par définition les Titans sont très grands, donc pour réussir à les atteindre, puisque leur seul point faible se trouve à un endroit très précis de 1 mètre de large je crois au niveau de la nuque. Donc il faut qu'ils arrivent à trancher en fait cet endroit-là, et donc pour y arriver, il faut voltiger. Donc on a des personnages qui ont deux lance-câbles, un petit peu à la Batman quoi, avec le bat de grappin, mais en multiplié par deux, et donc ils font des espèces de mouvements virevoltants. Et c'est vrai que du coup l'animé est à voir est incroyable au niveau de la réalisation. Il y a des idées. Le manga est très bien fait d'ailleurs à ce niveau-là aussi. Enfin, Isayama a vraiment un talent pour dessiner le mouvement, ce qui est très difficile. Oui, évidemment. Plus que pour dessiner des intérieurs. Oui, en fait, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise sur les scènes d'action que sur même les visages des personnages parfois, des choses comme ça. Les premiers tomes sont parfois un peu laborieux parce que c'était un très jeune mangaka à l'époque. Hein, il a progressé avec son œuvre. Mais l'animé, moi je sais que personnellement, ça fait partie de mes animés que je montre aux gens qui n'aiment pas les animés. En gros, c'est-à-dire que c'est le truc où j'arrive en disant tu penses que les mangas c'est mal fait, que ça peut pas être bien réalisé et tout, puis je leur montre ça et après ils font d'accord, ok, donc on peut faire ça. Olivier, je croyais qu'on s'était dit qu'on ne fréquentait plus des gens qui parlaient. On essaie quand même de parler avec eux de temps en temps, de discuter un minimum. C'est pas au même point. L'attaque des Titans appelle à l'ouverture d'esprit. Voilà. Mais il y a des choses, et notamment les affrontements contre les Titans ou les affrontements entre Titans, sans spoiler encore une fois, puisque ça peut arriver. Il y a des choses. Enfin, en gros, on a cette espèce de caméra qui n'existe pas puisqu'on est dans un animé, mais la caméra a une capacité de mouvement qui est absolument incroyable. Il y a des séquences où on suit, par exemple, le déplacement d'un personnage qui utilise ce fameux déplacement tridimensionnel, qui va attaquer un Titan, donc voler, monter, virevolter, faire une pirouette, et la caméra est fixée sur le personnage. Donc, c'est vous bougez en même temps que lui. Et au niveau de la réalisation, c'est hallucinant. Un mélange de deux dimensions, donc de dessin et de 3D. C'est ça. C'est comme si au lieu d'animer le personnage, on animait tout le décor autour de lui. Et c'est vraiment des fois hallucinant. Mathieu Pinon, en termes de réalisation, vous qui êtes féru justement de tous ces studios, comment s'est passée la création de l'animé de l'Attaque des Titans ? Eh bien, comme l'a si bien dit Olivier, le dessin animé était un point presque révolutionnaire, on peut dire, avec ce côté. Alors, plus que Batman, moi j'aurais presque envie d'évoquer plutôt Spider-Man au niveau des cabrioles, des héros qui virevoltent dans la ville. La production UIG, qui est un studio très très reconnu au Japon, hein, qui on doit par exemple Ghost in the Shell, pour ne citer qu'un des chefs-d'œuvre qu'ils ont pu produire, a carrément créé une succursale uniquement pour développer l'Attaque des Titans. Voilà, en 2012, ils ont fait, on va faire un studio qui s'appelle le studio WIT, W-I-T, pour qu'on fasse uniquement l'Attaque des Titans. Alors, au fur et à mesure des années, le studio a développé d'autres séries. D'ailleurs, ils détestent quand on les appelle le studio de l'Attaque des Titans parce qu'ils estiment qu'ils ont quand même une existence propre, mais c'est quand même leur fer de lance. Et la réalisation a été confiée Ah, un petit gars qui n'avait jamais rien fait de sa vie, un certain Tetsuro Araki qui a signé des trucs comme Death Note, je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Enfin, donc un très très grand nom, et ils ont cravaché, et il a fallu attendre, si je dis pas de bêtises, 2 ans entre chaque saison afin que les équipes puissent fournir des épisodes d'une qualité, mais jusqu'ici... quasiment inédite. Et d'ailleurs, saison après saison, il y a vraiment eu un moment où, rattrapés par le temps, ils ont dû livrer des épisodes dans un délai beaucoup plus court. Ça s'est senti. Et il y a eu une déferlante. Et les fans ont été un peu. Ah, une déferlante sur les réseaux sociaux. Alors que bon, hein, c'est quand même des êtres humains qui travaillent derrière pour pouvoir créer tout ça, donc un petit peu de considération ne fait jamais de mal. Mais il n'empêche que c'est quelque chose qui tient vraiment plus que le haut du panier. C'est la lanière au-dessus du panier, c'est l'anse au-dessus du panier, tellement on est dans un degré de qualité qui était presque, dirais-je, inversement proportionnel à la qualité d'Isayama graphique, quand certaines fois il pêche un petit peu. Mais depuis, Kodansha a fourni des assistants à Isayama afin de rehausser le niveau du manga. Victor, est-ce que ces séquences d'animation dont on parle vous ont particulièrement marqué et que ça a été aussi une des raisons qui ont fait que vous êtes plus intéressé à l'animé parmi la multitude d'animés qu'on peut regarder? Bien sûr, il y a de très grands noms d'animateurs aujourd'hui grâce à Attack on Titan qui sont connus. Par exemple, Harifumi Imai qui a animé les principales scènes du personnage de Levi, qui est connu pour avoir de grandes scènes d'action dans l'animé. Levi étant le caporal badass du bataillon d'exploration, ceux qui vont à l'extérieur, voilà, c'était un petit brin, toujours un petit peu laconique, mais extrêmement redoutable dès qu'il s'agit de déplacements tridimensionnels. Et voilà, c'est un petit peu son joujou, la manœuvre tridimensionnelle. Il s'amuse à jouer avec la caméra pour créer des mouvements très très fluides au fur et à mesure des saisons. On ne le retrouve malheureusement pas dans la dernière, mais on ressent quand même une certaine qualité dans la tridimensionnalité. Et d'autres personnes, évidemment, ont participé à l'animé. Par exemple, Hiroyuki Sawano, pour les musiques, qui sont toutes marquantes les unes que les autres. Magnifique. Hein. Ainsi que le dernier compositeur de la saison finale, Kota Yamamoto. Mais oui, au niveau de la réalisation, de l'animation, ou même des couleurs en général, je n'ai pas de défaut à trouver à l'animé. Je me permets juste de préciser parce que... Vous allez vous permettre après parce qu'on va écouter de la musique quand même, Monsieur Pinot. On va continuer de parler de l'amour que l'on porte à l'Attaque des Titans. Mais pour le moment, on écoute Yeli Yeli, alias Emily Anak, qui nous chante en kabyle Tassusmi. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand et notre stagiaire Robinson Radenac et notre stagiaire réalisation, Véronique Ameyer. Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix. C'était Yeli Yeli. Blockbuster. Je suis pas mauvaise. Frédéric Sigrist. Je suis juste dessinée comme ça. Sur France Inter. Ariane Dumont. J'aimerais qu'on parle des personnages féminins dans l'Attaque des Titans, parce qu'il y en a énormément, ce qui est assez rare souvent dans les mangas de ce type, et surtout, et elles sont toutes plus charismatiques les unes que les autres. Effectivement, c'est une des grandes forces de l'Attaque des Titans. Alors, on a parlé de Mikasa déjà, qui est l'ami d'enfance d'Eren et qui est ultra badass, plus que lui d'ailleurs, qui est un des personnages les plus puissants du manga. Mais il y en a d'autres, quand ils sont formés à la brigade d'entraînement, ils vont nouer des liens avec un groupe, donc avec Annie, avec Krista, avec Ymir, enfin avec un ensemble de personnages dont plusieurs sont effectivement féminins et sont tous des personnages indépendants, qui n'ont pas peur d'aller à l'action, qui n'ont pas peur de se battre, qui sont aussi bien classés que leur pendant masculin dans le classement de l'armée. Hein, qui ont des défauts aussi. Et qui ont des défauts aussi. Mikasa, elle est pas toujours très sympathique, par exemple. Elle est un peu collée à Eren, très renfermée, etc. Ymir et Krista, elles ont une très bonne dynamique entre elles, mais Ymir est pas particulièrement sympa avec les autres non plus. Mais elles sont toutes effectivement charismatiques. Il y a jamais de fan service. C'est des femmes fortes dont on va pas montrer la culotte, mais vraiment dont on va montrer la bagarre et le courage et il y a plein d'auditeurs qui se disent mais pourquoi elle dit ça. Il faut savoir que dans la production manga et animé, voilà, ça peut être quelque chose de récurrent, le passage oh on a vu sa culotte, c'est voilà. Bah, donc, malheureusement oui. ça arrive souvent, mais pas du tout chez Isayama qui au contraire les met sur le même plan que leur pendant masculin et avec jamais de complaisance romantique ou ce genre de choses. Il y a très peu de romantisme hein, d'ailleurs dans l'Attaque des Titans. On le devine plus qu'on ne le voit. Absolument, oui. Alors les fans adorent faire créer des ships, donc les personnages qui iraient bien ensemble. Mais effectivement, dans l'Attaque des Titans, c'est jamais vraiment confirmé, c'est jamais mis en avant en tout cas. Et ça participe en fait à cette indépendance des femmes qui sont des personnages forts à part, indépendamment des hommes et de leurs relations avec les hommes. En 2021, vous le savez tout comme moi, t'as des gens qui peuvent exprimer leur passion pour un artiste ou une œuvre, mais il y en a aussi qui peuvent aussi dire combien l'Attaque des Titans, il y a des choses ils aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Ce qui me gêne dans la série ici, c'est que des fois, les personnages vont avoir une révélation, ils vont la crier, et t'as une sorte de gros moment avec des effets, des visuels différents, et ça ne dérange pas les révélations qui choquent les personnages, mais là, ça arrive super souvent, quoi. Désolé, mais un animé qui montre des gens qui doivent se battre pour la survie de l'humanité, j'en ai déjà vu. Un animé montrant la guerre, j'en ai déjà vu. Un animé avec des anti-héros qui agissent pour le bien, j'en ai déjà vu. Un animé seinen avec d'énormes foreshadowing, j'ai déjà vu tout ça, et tout ça, je l'ai déjà vu en mieux. Il y a un autre truc qui m'a dérangé, c'est qu'ils disent tout à haute voix, ou pas haute voix, mais dans la tête des personnages. T'entends le monologue interne de tous les personnages, et des fois, ça te prend un peu pour un con. Certaines fois, la narration était vraiment confuse, avec des épisodes qui nous balançaient plein d'infos qu'il fallait digérer très vite, et d'autres épisodes qui étaient beaucoup plus contemplatifs. Et surtout les flashbacks qui font que la série joue sur plusieurs temporalités qui peuvent être assez compliquées à suivre si on n'est pas réellement dedans et surtout si on n'a pas si on se rappelle pas parfaitement de ce qui s'est passé dans les précédents épisodes. Regarde ça, l'anatomie est aléatoire, les personnes se ressemblent pas d'une case à l'autre, les perspectives sont fantaisistes, en plus les arrière-plans sont dégueulasses. Et je ne te parle pas du découpage absolument à la ramasse sur certaines scènes. C'est tellement bourré de défauts que j'en viens me demander comment l'auteur a pu se faire éditer. Je trouve ça un peu répétitif, c'est toujours le même principe, révélation, monologue interne, qui change le monologue interne parce qu'on t'a mis ce monologue interne en tête et t'as pas le temps de dresser tes propres conclusions. SNK est surestimé, les gens en parlent comme si c'était le seul animé à faire tout ce qu'il a fait. C'est une série qui n'est pas du tout subtile. Un mauvais moment à passer. Je vais me tourner vers Victor, parce que il faut jamais oublier quelque chose, c'est que moi je fais partie des vieux geeks désormais, hein, je suis un cadre à bien passé, et donc c'est vrai que ce point de vue m'a surpris sur la réception de l'Attaque des Titans par les jeunes fans. Qu'en pensez-vous ? Bah, je peux déjà comprendre qu'on n'apprécie pas le fait que l'œuvre soit assez gore. Dès l'épisode 1, on voit que c'est violent psychologiquement comme moralement, ou même physiquement, oui. Mais Je trouve que l'œuvre a beaucoup de qualités et ça peut des fois nier certains défauts. La subtilité de l'œuvre est, selon moi, maîtrisée. On ne nous prend pas non plus pour un débile. Les personnages ne font pas des monologues trop longs dans leur tête. C'est un classique dans le genre du manga, du personnage qui parle dans sa tête, qui explique un peu ce qui se passe au cas où la personne qui regarde n'a pas compris. Mais c'est pas aussi marqué que certains shonen d'aujourd'hui. Et je trouve ça agréable à voir et à lire surtout. Olivier Bénis, nous qui avons grandi avec des shonen, donc ces animés ou même ces mangas, avec des scénarios des fois beaucoup plus succincts, c'est difficile quand même d'entendre que l'intrigue est simple ou que l'attaque des titans n'est pas subtile. Je pense que vous mettez le doigt pile sur le bon truc, c'est qu'en fait, générationnellement, on est une génération qui a connu l'évolution du manga, en fait, un petit peu depuis les années 70-80. Et donc, effectivement, on est parti de loin. Il y a des séries qu'on adore, mais c'est vrai que scénaristiquement, il y avait des choses qui n'étaient pas non plus folles. Il y avait plein d'inventivité, mais il y avait pas justement ce côté, il y avait pas déjà le côté on va faire une série où il faudra vraiment suivre les épisodes dans l'ordre pour avoir une espèce de continuité. Il y aura des flashbacks, il y aura des retours en arrière, il y aura des fast-forward, enfin ouais, il y aura plein de choses comme ça. C'était pas vraiment dans les scripts des mangas de l'époque, donc peut-être effectivement on était habitué à des choses un peu plus basiques et que arriver à quelque chose de plus complexe, même si c'est pas forcément effectivement le manga ou l'animé le plus complexe qui puisse exister, ça pousse quand même des choses. Après, j'ai envie de dire, on a aussi regardé Evangelion à l'époque et finalement, par comparaison à l'Attaque des Titans, le scénario n'est pas si compliqué. On est d'accord. Mathieu Pinot. Moi, ce que je trouve très intéressant, justement, au contraire, par rapport à ce qui a pu être dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que, par exemple, le premier twist qui peut apparaître, il faut bien suivre, il faut bien lire le manga, parce que c'est écrit en tout petit, dans une petite case, limite en arrière-plan, dans le dessin animé, ça se passe, alors qu'on est focalisé complètement ailleurs sur l'écran, et alors que c'est quand même quelque chose qui change complètement la donne, Isayama le glisse, mais vraiment limite en tapinois, et donc comme quoi ça peut être très subtil, et ça va à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir. Et il y a autre chose qui est très très intéressant dans l'Attaque des Titans, qu'on ne trouvait pas dans beaucoup de séries, y compris Evangelion auparavant, c'est que ce que je voulais expliquer tout à l'heure avant de passer la musique, parce que priorité à la musique quand même, c'est que WIT Studio a dû lâcher la licence de l'Attaque des Titans parce qu'ils ont d'autres projets comme Vinland Saga, comme The Great Pretender, et qu'ils pouvaient plus tout faire. Et c'est le studio MAPPA qui est en charge de la dernière saison, parce que ça s'appelle The Final Season. Donc là, on est bien d'accord. En deux parties. La première partie a été diffusée et la deuxième est en cours de production à l'heure actuelle. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la première partie, c'est sur Wakanim, et les trois premières saisons sont sur Netflix. Elles sont également sur Wakanim. Mais la quatrième, pour l'instant, n'est disponible que sur Wakanim. Et il y a donc, par conséquent, une véritable césure graphique entre les trois premières saisons et la quatrième. Et c'est très intéressant parce que j'aime bien faire un parallèle qui peut surprendre entre l'Attaque des Titans et Retour vers le futur. Au sens où Retour vers le futur, le premier film est juste une comédie où on retourne dans le temps. Dans le deuxième film, on va être avec des univers alternatifs et des temporalités complètement différentes. Et le troisième est un western. Ces trois genres complètement différents et pourtant tout donne un ensemble cohérent. Et l'Attaque des Titans, au fur et à mesure qu'il y a des révélations, on a une atmosphère complètement différente de saison en saison. La saison 3 n'a rien à voir dans l'atmosphère avec la saison 1. La saison 4 n'a rien à voir avec la saison 3. Et c'est ça qui est très très intéressant dans cette œuvre, c'est que même si elle reste totalement cohérente et on reste dans le même univers, la même diégèse, plus ça avance et plus ça prend une saveur différente et on aurait presque un petit peu un repas complet, entrée, plat, fromage, dessert. Donc c'est quelque chose qui est finalement très très rare dans les mangas. Et puis sinon, vous mangez beaucoup trop riche, sachez-le. Et encore, je ne vous parle pas digestif. Olivier Bénis. Il y a quelque chose aussi, je pense, qui explique la critique de « c'est pas subtil, j'ai déjà vu ça, les gens crient des monologues et tout », c'est que, justement, le manga et l'anime jouent avec ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est effectivement très cliché. Il y a ce héros qui passe son temps à hurler pour un oui ou pour un non, y compris dans sa tête. Je ne comprends pas comment il le fait, mais ça doit être très désagréable pour lui. Mais voilà, on est très effectivement sur « il y a une révélation, ah mon Dieu, Mikasa !» tout ça, et tout le monde crie partout, les gens réagissent vraiment de manière très très excessive. Sauf qu'en fait, tout ça, ça finit par s'expliquer plus tard, et on finit par comprendre un petit peu que les personnages ont une psyché un peu plus compliquée que ça, que celui qui crie tout le temps, c'est peut-être pas pour rien non plus, que ça va expliquer aussi sa personnalité future. Il y a plein de choses. Et je pense aussi que l'auteur a joué un peu sur ses clichés. Il a commencé ça comme un truc, genre voilà, ça va être le seinen ou le shonen classique, vous avez votre héros typique, vous avez la fille dont il est amoureux mais qui lui dira jamais parce qu'elle est trop timide, vous avez son copain qui est un peu discret mais qui finalement est très intelligent, il y a tous ces clichés-là. Et il explose ça petit à petit, alors jamais en une seule fois, c'est ça qui est assez malin, mais vraiment il fait évoluer ses personnages, et quand on arrive sur la dernière saison, encore une fois toujours sans spoiler, les personnages ont totalement changé, ce ne sont plus les mêmes, ils ont évolué, ils ont des années de guerre, de défaite, parce qu'il n'y a quasiment pas de victoire en fait dans cette série, de défaite derrière eux, ils ont évolué, ils sont plus pareils, et on comprend mieux en fait pourquoi ils étaient comme ça, et on comprend mieux que ça permettait d'aboutir à ce retournement de situation complet. Alors pour conclure cette troisième partie d'émission, Djoubaka, notre programmateur musical, m'a fait découvrir Solar Power de la chanteuse néo-zélandaise, c'est difficile à dire, hein. Déjà la répétition j'arrive toujours pas en direct, néo-zélandaise, Lord, à votre tour de vous laisser séduire par cette douce mélopée. I hate the winter, can't stand the cold, I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Meet the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Tears that you've cried, it's over. It's a new state of mind. Are you coming, my baby? Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand, and I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Meet the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Begin. Blink three times when you feel it kicking in that soul. C'était Solar Power de Lord. Les titans ne meurent pas, même si leur tête explose. Bien que cela dépende des individus, leur tête se régénère en seulement une ou deux minutes. Ça n'arrange rien. Leur taille nous posait déjà suffisamment de problèmes. Excusez-moi, monsieur, cela veut-il donc dire que les titans sont immortels ? Non, ils ne le sont pas. Nous savons qu'il existe un moyen de tuer les titans. Il faut viser ici. Un titan qui est touché dans cette zone ne peut pas se régénérer et il finit par mourir. Ces deux lames ici présentes sont utilisées pour se planter dans cette partie, derrière le cou. Donc, il s'agit de découper cette région de la nuque, comme indiqué sur ce dessin. Une fois cette zone vitale tranchée, le titan est condamné. Ariane Dumont, on a reproché à Hajime Isayama de faire l'apologie du fascisme. Est-ce qu'il n'y a pas un affreux contresens dans l'interprétation qu'on peut faire de cette œuvre ? Bah évidemment, sinon on ne poserait pas la question. Je pense que déjà, il faut peut-être expliquer pourquoi on lui a reproché ça. On a parlé un peu tout à l'heure de cette imagerie militaire qui est effectivement très forte dans le manga, le fameux Sasageyo. C'est une société militaire, c'est un état militaire. Hein, et qui ne tient qu'avec ça, de toute façon. Et du coup, militarisme, fascisme, nationalisme, dans le manga, ça, il y en a plein. Et après, on lui a reproché un peu des influences qui n'ont pas plu, notamment dans l'histoire japonaise. L'auteur a reçu des menaces de mort pour un petit personnage du manga, qui est un général du manga qui s'appelle Dot Pixis, et qu'il a construit en s'appuyant sur un généraliste japonais qui a vraiment existé et qui a été un peu coupable d'exactions militaires en Corée, donc c'est assez moche. Et alors, le problème, c'est que c'est aussi un héros japonais hein, sur lequel on a écrit un bouquin, sur lequel on a fait une série, tout ça. Et donc, ça a influencé Isayama, qui a reçu des menaces de mort, qui a eu un backlash absolument énorme et une des accusations, c'est effectivement que du coup c'est un mec d'extrême droite, il soutenait ce genre de comportement et d'exactions. Alors évidemment, il faut faire la part des choses. Il faut lire l'histoire en entier. C'est d'autant plus compliqué quand on doit faire une émission sans spoiler. Absolument. Mais il faut aussi arriver à déchiffrer les grilles de lecture, parce que un des grands talents d'Isayama, c'est ça en fait, c'est de multiplier les grilles de lecture, de comprendre que c'est pas parce qu'il décrit quelque chose qu'il en fait l'apologie, évidemment, et qu'au contraire, il est très critique. Alors, les mangakas sont pas connus pour être très politiques. En général, au Japon, on s'engage pas sur ce terrain-là. C'est des gens qui sont aussi très pacifistes du fait de leur histoire, hein, tout simplement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Isayama, il glorifie jamais ce qu'il décrit dans son manga, c'est-à-dire que toutes ces manifestations militaires, tout cet endoctrinement des enfants dont on parlait tout à l'heure, ces sociétés qui sont clairement des sociétés fascistes, hein, c'est pas parce qu'il les intègre qu'il les supporte. Au contraire, on a parlé du fait qu'il y avait pas mal de plot twists, de renversements, de gens qui vont mourir. C'est souvent dans leur moment de glorieux patriotisme, oui, qu'ils vont mourir cette mort un peu nulle qui leur rappelle. D'ailleurs, il y a le major Erwin qui est vraiment celui qui fait des discours, qui harangue les foules, qui invite la jeunesse à aller au combat contre les titans. Il y a des moments où, quand il est avec Levi et où il se livre, il est confondant de sincérité, de doute, et où lui-même, il assume totalement son côté monstrueux à envoyer les gens comme ça, en sachant pertinemment qu'ils ne reviendront jamais. Mais il le fait parce que il y a que ça à faire. Et il y a toujours cette dichotomie entre l'exaltation et en même temps la réalité du terrain qui est en fait, on est des gros pourris, quoi. Ouais, bah précisément, c'est pour ça que je parlais de différentes grilles de lecture. C'est parce que effectivement, il y a ce patriotisme là qu'ils mettent en avant, et il faut aller tuer les titans. Enfin, même Eren qui est en mode, on va tous les exterminer, etc. Et puis bon, bah après, il y a un petit retournement. Qu'il leur rappelle que bon bah finalement allez, voilà pour toi, quoi. Et justement, quand on pense au shonen en général, et même quand on remonte dans l'histoire du shonen, les Sanseiya, les chevaliers du zodiaque, où il faut se sacrifier pour la déesse Athéna, Naruto, il faut protéger le village de Konoha, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose d'un petit peu formateur dans le héros du shonen, et qui se dissout pour le groupe et pour la patrie, le foyer. Et dans l'attaque des titans, il y a cette question que pose Isayama de dire tout simplement, est-ce que ça vaut le coup ? Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les héros de shonen, dans 95% des cas, les shonen sont là pour formater les futurs cadres des sociétés japonaises. Ils doivent donc apprendre à travailler en groupe, en cohésion, et se sacrifier pour le bien de la société. Faire des heures sub jusqu'à pas d'heure, excusez-moi pour le pléonasme, mais vraiment se donner corps et âme à la société. Donc vraiment, j'ai ce côté très formateur de futurs cadres. Alors que, justement, dire que l'Attaque des Titans est un manga qui glorifie le fascisme, c'est comme dire que Fullmetal Jacket est un manga qui glorifie le militarisme. Le Metal Alchemist. Non, Full Metal Jacket, d'un Stanley Kubrick. Ça, c'était le film. Voilà. Ah, parce que vous avez dit manga. Donc, je sais, oui, c'est pour ça que, voilà, mais, j'ai pas compris. Mais à coup de pas. Donc, c'est comme dire que Full Metal Jacket, le film, glorifie le militarisme, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, c'est en le montrant. En montrant ce fascisme, que Isayama peut mieux donner sa critique de ça. Il faut savoir que le Japon est un pays qui est particulièrement à droite. Très à droite. Il arrive souvent que le premier ministre, quel qu'il soit, que ce soit Abe à l'époque, avait souvent un sanctuaire qui est justement l'objet de nombreuses controverses parce que il y a beaucoup de criminels de guerre qui sont, et donc quand on va là-bas faire des offrandes, ça un petit peu justifierait les exactions commises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a vraiment ce côté. Et comme on peut voir dans l'Attaque des Titans, une certaine critique d'une jeunesse qui cherche à s'émanciper des carcans que mettent les anciennes générations japonaises sur leurs épaules. Il y a ce côté, on en a un petit peu marre de ce côté de droite parfois un peu extrême que peut avoir le Japon, et c'est un message qui montre bien la colère de la jeunesse japonaise. Donc finalement, quand Eren passe son temps à toujours hurler, c'est quelque part un petit peu représentatif d'une incarnation de cette colère. Voilà. Victor, comment vous avez reçu cet aspect apologie du militaire et en même temps contestation de l'intérieur de la jeunesse? Qu'est-ce qui vous a le plus parlé? Parce qu'en plus, je sais que vous êtes venu sur Paris, vous venez d'Alsace avec votre famille, et donc j'imagine que vous leur parlez souvent de l'Attaque des Titans. Comment vous leur présentez cette œuvre d'un point de vue politique ? Que c'est une œuvre qui peut nous faire réfléchir justement sur le côté militaire, sur l'homme en général, comment il s'en sort face à certains monstres. Est-ce que par hasard, un jour, l'homme deviendra le monstre dans cette histoire ? Mais quand je leur présente l'histoire, je leur dis que c'est quelque chose d'original, de nouveaux qui n'ont potentiellement jamais lu dans leur vie. Et ce côté militaire est très puissant dans l'Attaque des Titans, c'est que au tout début, on a une grande lueur d'espoir avec les personnages qui s'inscrivent à l'armée, avec les grosses musiques, les grosses OST, avec plusieurs fois des lyrics qui nous motivent à nous aussi à les combattre. Les chansons, la bande son, tout ça. Puis arrive le moment où la musique se coupe. La musique plutôt dramatique se lance et on a un désastre total face à nous. Et on remet en question à la fois, ils se sont jurés de se sacrifier pour le bien de leur patrie et ils regrettent au dernier moment des personnages qui, face à leur mort, se disent « Pourquoi je suis pas juste resté chez moi à attendre patiemment mes parents ou juste oui. Aller dans une ville paisible où je n'aurai aucun problème ?» Bah, vous l'avez compris, l'Attaque des Titans, il y a tellement de degrés de lecture que je n'ai qu'une seule chose à vous dire, chers auditeurs, c'est de lire l'Attaque des Titans, même de regarder l'animé, si jamais vous êtes moins sensible au design du manga. C'est la fin de cette émission. Ariane Dumont, Victor Helmlinger, Mathieu Pinon et Olivier Mendis, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. J'aimerais remercier également à la technique aujourd'hui Arnaud Caillé et au mixage Alexandre Chenet. Et vous pouvez également parler avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Imani, attendez un peu. Vous allez voir. Tôt ou tard, vous allez payer. L'humanité vous anéantira. À la fin, c'est l'humanité qui survivra. Demain, dans Blockbuster, un petit chauve qui maîtrise les éléments. Non, pas Jean-Michel Blanquer. Lui, c'est un petit chauve qui maîtrise les éléments de langage. Un avatar qui n'a rien à voir avec le film qui ressemble à Danse avec les loups chez les Schtroumpfs. Un dessin animé qui te donne envie de faire des enfants, afin d'avoir une excuse pour le regarder. Demain, Avatar, le dernier maître de l'air. France Inter.